Praise the Lord, mighty prophet of the Lord. Gloire au Seigneur, puissant prophète du Seigneur. The Lord spoke with me about a meeting that he's sending me to, a healing service. Looks like it's at night. Le Seigneur m'a parlé d'un rassemblement, d'un service de guérison. Ça a l'air d'être le soir. So it is at night, and this is now the French Guiana. Donc, c'est le soir, et c'est maintenant la Guyane française. It is at night. So again, within the same zone again, we're talking about the Caribbean nations. C'est le soir, donc encore dans la même zone à nouveau. Nous parlons des nations des Caraïbes. And down in South America, Latin America. Et au sud, l'Amérique du Sud, l'Amérique latine. And now, this time around, this is the French Guiana. Et maintenant, en ce moment, c'est la Guyane française. And it's night, so it seems like the healing service there is going to be at night. Et c'est le soir, donc il semble que le service de guérison va se passer le soir. Night, and I see a very major visitation that will take place there. Le soir, et je vois une visitation très grande qui aura lieu là-bas. A very, very massive visitation. Une visitation très, très massive. Because I see the light. Parce que je vois la lumière. And then I see the person of the Holy Spirit come all the way. Et ensuite, je vois la personne du Saint-Esprit qui vient tout le chemin. From heaven and visit the meeting in a way I cannot describe here. Qui vient des cieux et visite le rassemblement d'une manière que je ne peux pas décrire ici. On the phone, and also I'm not allowed to say so. Au téléphone, et aussi on n'a pas la permission de le dire. But the person of the Holy Spirit visits the meeting. Mais la personne du Saint-Esprit visite le rassemblement. So there is a tremendous visitation that takes place there. Et donc, il y a une visitation extraordinaire qui prend place là. So at the same time, you can see. Donc, en même temps, vous pouvez voir. As the Lord speaks about the visitation of this hour, comme le Seigneur parle de la visitation de cette heure. He's also now speaking about judgment. Il parle aussi de jugement. So the judgment and the revival are coming at the same time. Donc, le jugement et le réveil arrivent en même temps. And this visitation is the second one to French Guiana. Et cette visitation est la seconde en Guyane française. So really, really, really, this is the hour at which they have to grasp. Donc, vraiment, vraiment, vraiment, c'est l'heure où ils doivent saisir and grab the gains of this revival. Et profiter de ce réveil. Now they're up to their game. Maintenant, ils entrent dans le jeu. And stop sin in the church. Et arrêtent de pécher dans l'église. And prepare nationally for the coming of the Messiah. Et se préparent sur le plan national pour la venue du Messie. The way Kenya is doing at this hour. Comme le Kenya le fait en cette heure. When many nations, I see the Lord is showing me rain. Je vois que le Seigneur me montre de la pluie. That there is rain coming, also there is rain coming. So the Lord is bringing rain, the rain of the Holy Spirit, unto the nations. Donc il y a de la pluie qui vient aussi. Il y a de la pluie qui vient. Donc le Seigneur amène la pluie du Saint-Esprit sur les nations. And we know very well that Kenya, ever since that rain befell in this land. Et nous savons très bien que le Kenya, depuis que cette pluie est tombée sur ce pays, befell this land, the landscape, the spiritual landscape, the landscape est tombé sur ce pays, le paysage spirituel, le paysage in the house of the Lord, the landscape of the church, dans la maison du Seigneur. Le paysage de l'Église n'a plus jamais été le même. Et c'est une visitation formidable qui a continué à progresser de gloire en gloire en gloire. And it's going higher and higher every time. Et elle va de plus en plus haut à chaque moment. Including the meeting coming up in Nakuru. Y compris au rassemblement qui vient à Nakuru. And so the same rain has fallen unto Nigeria. Et donc, la même pluie est tombée au Nigeria. And that means if the Lord will find servants as he has found there. Si le Seigneur trouve des serviteurs comme il a trouvé là-bas. And if they will now up their game to grasp and grab the gains of this visitation. Et s'ils veulent maintenant entrer dans le jeu et saisir leur avantage dans cette visitation, there is going to be a similar revival in Nigeria, even greater. Il va y avoir un réveil similaire à celui du Nigeria, même plus grand. He has spoken to South Africa. Il a parlé à l'Afrique du Sud. That is going to take place in a place. Que ça va avoir lieu à un endroit. Where, when the man of God stands, he will be able to see. Là où l'homme de Dieu se tient, il sera en mesure de voir. Some buildings, and then there is this tall building. It's as if you are moving towards a valley. Quelques bâtiments, et ensuite il y a ce haut bâtiment. C'est comme s'il se déplaçait vers la vallée. And then there is a tall building there, and the top of the building like the stairs, steps. Et ensuite il y a un haut bâtiment là-bas. Et le sommet du bâtiment, comme des escaliers. Like that. And beyond a little bit, on the other side of the hill, there is a hill that slopes. There's a slope on the other side, a hill that runs on the other side at the end of the valley. There's now a hill with residential quarters on that side. Un quartier résidentiel de ce côté. South Africa also will see this rain. L'Afrique du Sud verra aussi cette pluie. The rain of the visitation of this hour. La pluie de la visitation de cette heure. The rain, the latter rain of the Holy Spirit. La pluie, la dernière pluie du Saint-Esprit. And so the Lord is willing. This is a sign that the Lord is willing. Et donc, le Seigneur veut. C'est un signe que le Seigneur veut. To revive all nations. It was never ever meant for Kenya alone. Réveiller toutes les nations. Ça n'a jamais été pensé pour le Kenya seul. The revival in Kenya, I know, is too high right now. Le réveil au Kenya, je le sais, il est trop haut juste maintenant. The levels are absolutely historic, the biggest revival in history. Le niveau y est absolument historique, le plus grand réveil de l'histoire. Of the Bible, the history of the church. However, l'histoire de la Bible. L'histoire de l'Église, cependant, this revival and the cloud of God that is visiting Kenya now, ce réveil et la nuée de Dieu qui visite le Kenya maintenant is actually global. Est en réalité mondial. It is global because when I was in Angola, also the Lord put a pillar of cloud on his servant. Il est mondial parce que lorsque j'étais en Angola, le Seigneur a mis un pilier de nuée sur son serviteur. As he was moving around like this, following him in front of the pastors at the pastors' conference. Qui se déplaçait comme ça, le suivant, devant les pasteurs, à la conférence des pasteurs. So, the Lord is saying that revival is not exclusive to Kenya. Donc, le Seigneur dit que cette faveur n'est pas exclusive au Kenya. That all the nations have a right. Que toutes les nations ont le droit. Every nation has a right. Toute nation a le droit. To partake of this revival. De participer à ce réveil. Because the kingdom of God. Parce que le royaume de Dieu never meant for Kenya alone. N'a jamais été pensé pour le Kenya seul. It is for all the nations except one thing. C'est pour toutes les nations, sauf une chose. That if all the nations would adhere to the message of holiness. C'est que toutes les nations écoutent le message de la sainteté. And righteousness through the repentance and the turning away from sin. Et de la justice par la repentance et de se détourner du péché. Then they too will be positioned in the place where Kenya is. Alors eux aussi seront positionnés là où le Kenya est. And partake of this historic revival of the Bible. Et participeront à ce réveil historique de la Bible. The revival of the cloud. Le réveil de la nuée, le réveil de la gloire de la nuée de Dieu le Père. God the Father himself visiting the church. Dieu le Père lui-même qui visite l'église. Coming down into the meeting, the revival of the open heavens, the revival of the rain of the Holy Spirit. Descendant sur le rassemblement, le réveil des cieux ouverts, le réveil de la pluie du Saint-Esprit. So this revival is essentially, I decree it here and announce it, that it is for all the nations. Donc ce réveil est essentiellement, je décrète ici et l'annonce qu'il est pour toutes les nations. It was never meant for Kenya alone. Il n'a jamais été pensé pour le Kenya seul. And by the Lord promising rain in South Africa. Et comme le Seigneur promet la pluie en Afrique du Sud, promising rain in Nigeria, promising rain in promettant la pluie au Nigeria, de la pluie, all the time rain, rain, that means the Lord is saying, tout le temps de la pluie, ça signifie que le Seigneur dit, the heavens are open to all the nations. Les cieux sont ouverts pour toutes les nations. Except that he is looking for holy, worthy instruments, worthy vessels. Sauf qu'il cherche des instruments saints et dignes, des contenants dignes. That can be able to anchor this revival whenever the man of God comes to your land. Qui soit en mesure à répondre à ce réveil, où que ce soit que l'homme de Dieu aille. And make these decrees. There are some people that are supposed to anchor this revival like Kenya did. Il y a certaines personnes qui sont supposées ancrer ce réveil, comme le Kenya l'a fait. To run around and now turn around from sin and begin to install holy altars of the Lord in the land. Pour se détourner du péché et commencer à installer un saint autel du Seigneur dans le pays. That is the message the Lord is speaking now. C'est ce que le Seigneur dit maintenant. To the nations, and he's saying that this is the hour for the visitation of the nations. Aux nations, et il dit que c'est l'heure de la visitation des nations. So much sexual sin has been in the church. Il y a eu tellement de péchés sexuels dans l'église. Gospel of prosperity, the pride of the false apostles. L'évangile de la prospérité, l'orgueil des faux apôtres. The pride of the false prophets. L'orgueil des faux prophètes. And all these things you see happening globally. Et toutes ces choses que vous voyez arriver au niveau mondial. The false prophets that are lying to the church. Les faux prophètes qui mentent à l'église. Harvesting money, false apostles that are accumulating wealth for themselves. Qui récoltent de l'argent, de faux apôtres qui accumulent des richesses pour eux-mêmes. The Lord is saying the time for revival is now. Le Seigneur dit que le moment du réveil, c'est maintenant. And this is the hour at which the Lord is also passing a warning to the nations. Et c'est l'heure où le Seigneur donne un avertissement aux nations. Venezuela, a huge revival when the Lord sent me there. One of the biggest that is only closest to Kenya, not closer to Kenya than Venezuela was. But because of the abusive death of the pastors in Venezuela, they let go a powerful revival. Ils ont laissé aller une puissance de réveil. One of the biggest, I thought it would beat Kenya by hundredfold. In Puerto Ordaz, in San Felix, in El Tigre, in Valencia, in many places, the revival lit up. À beaucoup d'endroits, le réveil s'est levé. I went across the entire nation. Je suis allé à travers toute la nation. However, the same corrupt pastors when they came on board. Cependant, les mêmes pasteurs corrompus, quand ils sont venus là, ils l'ont volé et ensuite ils l'ont utilisé pour faire de l'argent encore. Et ensuite j'ai donné le jugement que vous voyez consumer le Venezuela jusqu'à aujourd'hui. But you see, humiliating Venezuela until today. Vous voyez le Venezuela être humilié jusqu'à aujourd'hui. So the Lord is also passing a warning at the same time. Donc, le Seigneur donne aussi un avertissement en même temps. As he brings this revival, that you cannot contempt this revival. Comme il amène ce réveil, que vous ne pouvez pas mépriser ce réveil. Nobody can defile it and use it for personal gain, earthly gain. Personne ne peut le salir et l'utiliser pour un gain personnel, un gain terrestre. So this is the hour for the visitation of the Lord and both the judgment against sin. Donc, c'est l'heure de la visitation du Seigneur et les deux, le jugement contre le péché. The sin of the love of money in the church. Le péché de l'amour de l'argent dans l'église. The sin of sexual sin in the church. Le péché du péché sexuel dans l'église. The sin of lies in the church. The sin of the false apostles in the church. Le péché du mensonge dans l'église, le péché des faux apôtres dans l'église. The sin of false prophets in the church, the sin of the nudity of women in the land. Le péché des faux prophètes dans l'église, le péché de la nudité des femmes dans le pays. Women just walking naked and sexual immorality rampant. Des femmes qui marchent nues et dans l'immoralité sexuelle. The Lord is saying this is the moment to realize that Christ is the King. Le Seigneur dit que c'est le moment de réaliser que Christ est le roi qui est mort pour nous et qui revient. En ce temps, comme il revient en roi glorieux. Et les nations doivent toutes se préparer pour la venue du Messie. May the Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. I have seen the Messiah coming. J'ai vu le Seigneur venir. May the Lord bless you as you prepare for the glorious coming of the King. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse comme vous vous préparez pour la glorieuse venue du roi. Shalom.